بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 9 dans l'explication du livre de Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله الملخص الفقهي, le chapitre Kitab al-Nikah, le chapitre au sujet des règles du mariage. Et on est arrivé dans le bab fi ankihat al-kuffar, fi ankihat al-kuffar. Et ça, c'est un chapitre qu'on retrouve dans tous les livres de fiqh de différents madhahib, que ce soit Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali. Dans les quatre madhahib, tous ces chapitres qu'on a lus jusqu'à date, on les retrouve dans tous les madhahib. Il n'y a pas disons, c'est pas spécifique ou exclusif au madhab al-Hanbali. D'accord? Et donc ça, c'est des sujets qui sont traités dans la plupart des livres de fiqh. Les ulama, ils parlent toujours de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que c'est important. Qui on a le droit de marier, qui on n'a pas le droit de marier par rapport à la religion. Et donc le titre, c'est fi ankihatil kuffar, yani babun fi ankihatil kuffar. المراد بالكفار أهل الكتاب وغيرهم كالمجوس والوثنيين والمراد ما يقرون عليه من أنكحتهم لو أسلموا أو ترافعوا إلينا حال كفرهم. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par les kuffars? On veut dire ceux qui ne sont pas musulmans parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens, les majous, hein, les zoroastriens ou les adorateurs du feu. Et les wathaniyin, c'est-à-dire tous ceux qui adorent des statues ou des idoles, des idolâtres, de façon générale. Donc, qu'est-ce que la charia considère ou accepte par rapport à leur mariage s'ils se convertissent à l'islam? Ou bien si, par exemple, l'un d'entre eux, soit qu'un musulman veut se marier avec une d'entre eux, ou bien une femme veut se marier avec un d'entre eux, qu'est-ce qui est permis de ça, qu'est-ce qui n'est pas permis, et les règles au sujet de cette question-là, on va en parler donc en détail. Cheikh Al-Fawzan, il dit, hafizahullah, فَنِكَاحُ الْكُفَّارِ حُكْمُهُ حُكْمُ نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِي الصِّحَّةِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالذِّهَارِ وَالْإِلَاءِ وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالْقَسْمِ. Donc, le mariage des koufars, son verdict, c'est le verdict du mariage des musulmans dans la validité, dans le fait que le divorce se produise, hein, ou arrive, ou al-dhihar, on n'en a pas parlé encore, mais c'est comme c'est mentionné dans surat al-Mujadala, الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ, c'est-à-dire celui qui dit à sa femme, tu es comme le dos de ma mère. Hein? Donc ça, c'est une formule que les gens dans la jahiliya, ils avaient pour rendre leur femme illicite à eux-mêmes comme ils voulaient plus, comme une sorte de divorce ou une sorte de séparation. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit dans l'islam. Puis il y a une expiation à faire lorsque quelqu'un dit ce genre de propos ou ce genre de paroles. Puis Al-Ila, c'est lorsque quelqu'un décide de s'abstenir de ses femmes pendant un certain temps. Il y a un chapitre à ce sujet-là aussi, dans les chapitres qui vont venir plus tard. Et dans Wujub al-Nafaqa, c'est-à-dire l'obligation des allocations et des dépenses. Et Al-Qasm, c'est-à-dire la division pour les, si quelqu'un a plusieurs épouses, le temps qu'il doit donner à chacune de ses épouses. Donc tout ça s'applique. Et c'est quoi le verdict par rapport à ces mariages-là en ce qui concerne les koufars et les règles de ces questions-là par rapport aux koufars aussi. Le Cheikh dit وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مِنَ النِّسَاءِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ إِضَافَةَ الْمَرْأَةِ إِلَى الْكَافِرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وامرأته حمالة الحطب وقالت امرأة فرعون فأضاف المرأة إلى الكافر والإضافة تقتضي زوجية صحيحة. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est respecté du mariage entre un homme et une femme dans l'islam et chez les musulmans, eh bien c'est respecté également par rapport au mariage chez les kuffars, c'est-à-dire l'islam reconnaît le mariage des kuffars les uns avec les autres, hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne par exemple à propos de Abu Lahab, hein? Il dit wa mra'atuhu hammalat al-hatab, c'est-à-dire il a associé ou il a relié cette femme à Abu Lahab, en voulant dire que c'est sa femme, hein? Et la femme de Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset imra'at Pharaon, hein? Donc imra'at Pharaon, ça veut dire que c'est sa femme à lui, donc ça veut dire qu'elle est acceptée comme étant son épouse malgré qu'ils soient qui sont dans le kufr. Et on sait que la femme de Pharaon, elle s'est convertie à l'islam, tandis que la femme de Abu Lahab, elle était mushrika comme son mari, hein? Donc l'association de la femme au kafir, elle est établie, et c'est-à-dire que ça implique que le mariage qui est établi entre les deux, entre ces deux personnes, il est valable. Il est valable islamiquement. Et il dit wa qala shaykh al-islam ibn taymiyyah as-sawabu anna ankihatahum al-muharrama wa al-muharrama fi al-islam haram mutlaqan إذا لم يسلموا عوقبوا عليها وإن أسلموا عفي لهم عنها لعدم اعتقادهم تحريمها أما الصحة والفساد فالصواب أنها صحيحة في وجه وفاسدة من وجه فإن أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به فصحيح. انتهى كلامه. Donc الشيخ الفوزان il cite une parole de Ibn Taymiyyah qui mentionne donc que يعني leur mariage il est reconnu d'un point de vue, puis d'un autre point de vue il est pas reconnu, puis ou bien il est correct d'un point de vue, il n'est pas correct d'un autre. Puis il mentionne donc que sur le plan que yani ils peuvent le mariage qu'ils ont fait, il est considéré comme étant appliqué, puis que les règles du mariage s'appliquent à eux, et du fait qu'ils peuvent divorcer également. Donc tout ça s'est établi et c'est reconnu par l'islam. Mais d'un autre point de vue, il dit yani du fait que s'ils croient pas, par exemple du fait qu'ils sont dans le kufr, yani en tout cas on va expliquer plus, on va avancer plus, puis ça va se clarifier plus le sujet quand le cheikh il va mentionner les catégories de kuffar, lesquelles sont licites et lesquelles sont pas licites, et quand est-ce que une personne, lorsqu'elle devient musulmane, elle doit par exemple divorcer l'autre, et dans quel cas ça doit s'appliquer. وَمِنْ أَحْكَامِ أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ يُقَرُّونَ عَلَى فَاسِدِهَا بِشَرْطَيْنِ الشَّرْطُ الْأَوَّلِ إِذَا اعْتَقَدُوا صِحَّتَهَا فِي شَرْعِهِمْ وَمَا لَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ دِينِهِمْ وَالشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ لَا يَتَرَافَعُوا إِلَيْنَا فَإِنْ تَرَافَعُوا لَمْ نُقِرَّهُمْ عَلَيْهِ لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله فإذا اعتقدوا صحة نكاحهم في شرعهم ولم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون محارمهم وأسلم خلق كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها وإن أتوا قبل عقد نكاحهم وعقدناه على حكم ديننا بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أما إن أتونا بعد عقد النكاح فيما بينهم فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره. Donc il dit le cheikh que parmi les règles au sujet du mariage entre les kuffars, on accepte le mariage qu'ils ont fait même s'ils ne respectent pas nos conditions par rapport au mariage, mais à deux conditions. La première condition, c'est que eux ont cru la validité de leur mariage dans leur législation à eux. Donc si eux, ils ont considéré que ce mariage-là dans leur législation était licite, hein, donc dans ce cas-là, yani, ça c'est-à-dire, ça fait partie de leur croyance ou de leur pratique. Donc, yani, si par contre eux-mêmes ils ne l'approuvent pas, parce que ça fait pas partie de leur religion, dans ce cas-là, on va pas le considérer comme étant valide. S'ils le considèrent valide, on le considère valide selon leur législation. S'ils le considèrent pas valide, eh bien, dans ce cas-là, on va pas le considérer comme étant valide. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, qu'ils ne viennent pas demander de jugement de notre part. C'est-à-dire, ils vont pas ramener leur affaire aux musulmans pour que les musulmans jugent parmi eux sur cette question-là. Hein? Parce que s'ils ramènent la question au jugement d'Allah et demandent aux musulmans de trancher dans leur affaire, eh bien, dans ce cas-là, on va pas approuver ou, yani, considérer comme étant valable ce mariage-là. Hein, ou la façon qu'ils ont fait le mariage, c'est pas correct. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 49 dans Surat Al-Ma'ida, juge parmi eux selon ce que Allah a révélé. C'est-à-dire que même quand on juge entre les kuffars, eh bien, on doit juger selon ce que Allah a révélé. Et on voit l'exemple de ça lorsque, des juifs sont venus voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour demander de juger au sujet de quelqu'un qui avait fait l'adultère parmi eux. Et yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, c'est quoi la punition pour vous dans votre livre si quelqu'un fait ça? Et eux, ils ont dit, eh bien, on le couvre de goudron, puis on le fait marcher dans la ville ou quelque chose comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, amenez votre livre. Alors ils ont amené leur livre. Et un d'entre eux a commencé à lire, et il a mis son doigt sur le verset où il y avait la lapidation. Pour pas que, hein, il le voie. Puis là, au moment où ils sont arrivés pour, justement, passer sur ce verset-là, et un des musulmans qui était là, qui était converti du judaïsme, Abdullah ibn Salam, il a dit, enlève ton doigt. Il a dit, enlève ton doigt. Alors, lorsqu'il a enlevé son doigt, ils ont vu le verset de la lapidation. Alors, ils ont appliqué la lapidation sur eux. Donc, c'est pour dire, yani, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, juge d'après eux selon ce que Allah a révélé. Et c'était ça le jugement que Allah avait révélé au sujet, hein, de l'adultère. Après, il dit le cheikh que s'ils croient la validité de leur mariage dans leur législation à eux et qu'ils ne ramènent pas leur affaire à nous, dans ce cas-là, on se mêle pas de ça, de leurs affaires. La preuve, c'est que le cheikh, il cite un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, selon Abdurrahman ibn Auf, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accepté la jizya des Majus de Hajar. Hein, je pense que c'est ça le nom de l'endroit. Et il dit qu'il ne s'est pas mêlé de leurs affaires au sujet de leur mariage. Le cheikh, il dit, alors qu'il savait que eux rendaient licite l'inceste. Hein, alors qu'il savait que eux rendaient licite l'inceste. Hein, et l'inceste, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un se marie avec des gens qui ont des liens de parenté. Avec qui ils ont des liens de parenté, hein, ça c'est de l'inceste, on appelle ça l'inceste. Et c'est parmi les grands péchés, les kaba'ir. Mais les majus, les perses, ils faisaient ça. Yani Allah al-musta'an. Et il dit, du moment que, yani, ils ne ramenaient pas leur affaire aux musulmans, et que eux considéraient la validité de ce mariage-là, donc ils se mêlaient pas de ça. Il dit, et beaucoup d'entre eux, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont convertis à l'islam, et il a considéré leur mariage tel quel. Il les a pas fait annuler leur mariage, et il n'a pas non plus cherché à vérifier comment ils s'étaient mariés. Non plus. Et il dit, s'ils viennent avant d'avoir fait le contrat de mariage, eh bien, on va faire le contrat de mariage entre eux selon les conditions de notre religion. C'est-à-dire, avec la demande et la réponse, hein, je te marie, hein, c'est-à-dire l'offre et la réponse, je t'offre ma fille et l'autre répond, j'accepte. La présence du wali, les deux témoins honnêtes. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 42 dans Surat Al-Ma'ida, et si tu juges entre eux, alors juge entre eux en toute justice. Il dit, toutefois, s'ils viennent vers nous après avoir fait le contrat de mariage entre eux, alors dans ce cas-là, on ne se mêle pas de la façon comment ils ont fait leur mariage. Hein? Du moment qu'ils l'ont fait entre eux, c'est leur affaire. Et on va accepter leur mariage comme étant valide tant que eux ils le considèrent comme étant valide entre eux. Ensuite, le cheikh dit wa kadhalika idha aslama az-zawjan ala nikah fa inna la nata'arrad li kayfiyati sudurihi wa tawaffuri shurutihi fi ma sabaq walakinna nanzuru fihi waqt at-tarafu' aw waqt islamihim fa in kanat az-zawja tubahu fi hadha al-waqt li'adam al-mawani' ash-shar'iyyah وأقر على نكاحهما أقر على نكاحهما لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه فلا مانع من استدامته وإن كانت الزوجة في هذا الوقت الذي ترافع أو أسلم فيه لا يباح ابتداء العقد له عليها فرق بينهما لأنه منع ابتداء العقد ويمنع استدامته من استدامته. Donc, le cheikh explique que si par exemple un des deux époux se convertit à l'islam alors qu'ils étaient mariés d'un mariage précédent, c'est-à-dire ils étaient mariés avant l'islam, dans ce cas-là, il dit on va pas se mêler de savoir comment s'était produit ce mariage-là, hein, et de vérifier la présence des conditions. Hein, comment ça s'était fait précédemment. Toutefois, on va regarder au moment où il ramène le mariage aux musulmans pour qu'ils jugent, ou au moment de la conversion de la personne, lorsqu'elle va se convertir à l'islam, si cette femme fait partie des femmes qui sont licites pour cet homme, hein, parce qu'il n'y a pas d'empêchement dans la religion pour que elle puisse être sa femme, du fait qu'elle n'est pas par exemple une mushrika ou une athée, ou du fait que elle n'est pas non plus yani parmi les femmes qui sont illicites en islam à épouser, comme sa sœur ou sa mère ou sa, hein, parce que ces koufars là des fois ils marient celles qu'ils n'ont pas le droit de marier, ou bien la femme de leur père, ou des choses comme ça. D'accord? Ensuite, il dit donc, si elle ne fait pas partie de ceux avec qui il n'a pas le droit de se marier parmi les femmes, alors dans ce cas-là, on va considérer ce mariage-là comme étant valide, hein, et on va permettre donc à cet homme-là de rester avec cette femme. Il dit, parce que à la base, il n'y a rien qui empêche ce mariage. Donc il n'y a rien qui empêche de faire en sorte que ce mariage puisse continuer, ou qu'on puisse le laisser continuer. Toutefois, si la femme, au moment où on ramène le mariage, la question du mariage devant le juge musulman, ou bien au moment où la personne se convertit à l'islam, et qu'on constate que c'est une situation qu'on ne peut pas permettre, parce que la femme, elle fait partie de ceux qui sont interdits d'épouser, ou bien qu'elle est mushrika ou des choses comme ça, alors on doit les séparer. Si c'est l'homme qui est mushrik, ou qui est kafir, ou qui est juif, ou qui est chrétien. Hein? C'est la même chose. La femme musulmane, elle n'a pas le droit d'être mariée avec un juif, ni avec un chrétien, ni avec un athée, ni avec un yani mushrik. Donc, c'est sûr que si elle se convertit à l'islam, elle doit être séparée de cet homme-là. Bon, ne rentrons pas dans ce détail-là. Disons juste de façon générale qu'elle ne peut pas rester avec un homme qui n'est pas musulman. D'accord ? Et le cheikh, il dit وَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ الَّذِي سُمِّيَ لَهَا فِي حَالِ الْكُفْرُ صَحِيحًا أَخَذَتْهُ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ إِسْتِيفَاءَهَا لَهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا كَالْخَمْرُ وَالْخِنْزِيرُ فَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ فَقَدْ إِسْتَقَرَّ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُ لأنها قبضته بحكم الشرك فبرئت ذمة من هو عليه منه لأن في التعرض له مشقة وتنفير عن الإسلام فيعفى عنه كما عفي عن غيره من الأعمال الكفرية وإن لم تكن قد قبضت المهر الفاسد فإنه يفرض لها المهر المثل وإن كانت قد قبضت بعض المهر الفاسد ولم تقبض بقيته فإنه يجب لها قسط الباقي من المهر المثل وإن لم يسمى لها مهر أصلا فإنه يفرض لها مهر المثل لخلو النكاح من تسمية المهر. Bon, ici il parle le cheikh du mahr dans le cas où la femme par exemple elle s'est convertie à l'islam, puis son mari lui avait donné un mahar. Alors, elle peut le garder par rapport à qu'est-ce qui était obligatoire dans le contrat de mariage. Donc, elle peut le garder. Il n'y a pas de mal à ça. Toutefois, s'il lui avait promis un mahar, un cadeau de mariage qui est haram en soi, comme de lui donner du porc ou de l'alcool. Si elle l'avait déjà pris, donc ça y est, c'est déjà fini. Hein, c'est-à-dire, hein, elle a fait ça dans le coffre et c'était avant l'islam, donc yani c'est déjà fait. Donc c'est excusé, inshallah, par rapport aux actes qui avaient été faits pendant la mécréance. Toutefois, si elle n'avait pas encore reçu son mahar, qui est interdit en islam, alors elle doit dans ce cas-là demander ou exiger un mahar qui lui correspond, hein, c'est-à-dire qui correspond à son statut, qui correspond à sa classe sociale, qui correspond à qu'est-ce qu'on donne à une femme de son rang de manière générale, de façon coutumière dans cette société-là. Et donc si elle avait pris seulement une partie de son mahar et qu'il reste encore une autre partie à recevoir, alors elle va demander le mahr qui lui correspond ou qui lui convient pour le reste de ce qui doit lui être donné. Et si toutefois le mahr lui-même n'avait pas été mentionné ou spécifié avant le mariage, au moment du contrat de mariage, c'est-à-dire que le mahr n'avait pas été spécifié, on n'avait pas dit qu'est-ce qu'elle allait recevoir comme mahr à ce moment-là, c'est le mahr habituel, le mahr coutumier que les femmes de son rang reçoivent. Hein? Parce qu'il y a l'urf ici qui rentre en ligne de compte dans une situation pareille, c'est-à-dire que lorsque le mahr n'a pas été nommé au moment du contrat de mariage, eh bien elle a droit au mahr que les femmes de son rang dans cette société-là reçoivent de façon habituelle ou ordinaire. Non. L'urf, c'est la coutume. Hein, c'est la coutume. Qu'est-ce qui est fait de façon coutumière dans cette société-là? Parce que dans chaque société, il y a des habitudes. Et selon la classe sociale, selon le rang de la personne, on voit que les femmes de cette catégorie ou de cette classe sociale-là, elles font telle chose ou elles reçoivent telle somme. Donc c'est la règle qui va s'appliquer dans ce cas-là. وَإِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا بأن تلفظ بالإسلام دفعة واحدة فإنما يبقيان على نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين وإن أسلم زوج كتابية ولم تسلم هي ولم تسلم هي بقيا على نكاحهما لأن للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداء فاستدامته لنكاحها من باب أولى. Donc il dit le cheikh que si les deux époux, c'est-à-dire les deux personnes mariées, se convertissent à l'islam en même temps, ils prononcent le shahadatain en même temps, alors ils peuvent rester mariés tous les deux avec l'autre, parce que dans ce cas-là, ils n'ont pas de différence de religion, ils sont tous les deux sur la même religion, ils sont tous les deux musulmans. Toutefois, si la femme qui est par exemple mariée avec quelqu'un qui se convertit à l'islam, elle était chrétienne ou juive, alors dans ce cas-là, il peut rester marié avec elle, parce que le musulman a le droit de marier une kitabiyya, une juive ou une chrétienne. Donc, étant donné que l'islam permet à un musulman de marier une juive ou une chrétienne, il peut rester marié avec elle, puisque le mariage avec ces femmes-là est permis à la base en islam. Donc son mariage est valide quand même dans ce cas-là. Il dit وَإِنْ أَسْلَمَتْ كَافِرَةٌ تَحْتَ كَافِرٍ قَبْلَ الدُّخُولِ بَطَلَ النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قَبْلِهَا. Si une femme qui était mécréante se convertit à l'islam avant d'avoir c'est-à-dire que supposons que une femme était dans le kufr et elle avait contracté un contrat de mariage avec un kafir, puis avant d'aller habiter avec son mari kafir, elle se convertit à l'islam, alors à ce moment-là le mariage devient nul, partil, il est plus valide, et également elle n'a pas le droit à rien du mahar à ce moment-là, puisqu'ils se sont séparés avant qu'elle aille habiter avec son mari et avant que le mariage soit consommé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 10 dans sourate al-mumtahana فَلَا تَرْجِعُ فَإِذَا عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. Si vous voyez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux kuffar, elles ne sont pas licites pour eux et eux ne sont pas licites pour elles. Hein? لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. Donc elles ne sont pas licites pour eux et eux ne sont pas licites pour elles. وليس donc ensuite il dit وإن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول بطل النكاح لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وعليه نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإن لم يسلم فيها تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أول الإسلام. Donc ici le cheikh il dit si un mari qui est pas kitabi, il est pas juif, il est pas chrétien, il se convertit à l'islam, alors il dit dans ce cas-là son mariage avec sa femme mushrika qui est pas kitabia va être annulé. Ça veut dire que si quelqu'un qui était par exemple bouddhiste ou hindou ou athée, hein, ou mushrik de façon générale, et il est marié avec une femme comme lui qui était mushrika et il se convertit à l'islam, et il dit il s'est converti avec elle avant d'entrer dans la relation, c'est-à-dire avant d'aller habiter avec elle, hein, qabla ad-dukhul, c'est-à-dire avant d'habiter avec elle ou avant d'avoir consommé le mariage. Il a fait le contrat de mariage, mais il n'a pas encore consommé le mariage, il n'a pas habité avec elle encore. Alors il dit, dans ce cas-là, le mariage est annulé. Batil. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wala tamsiku bi'isamil kawafir. C'est-à-dire, ne gardez pas les femmes mécréantes en mariage. C'est-à-dire, si un musulman était marié avec une mushrika, si il est converti à l'islam, puis il avait une femme qui était mécréante ou idolâtre avant l'islam, eh bien, il peut pas rester avec elle. Si le mariage n'avait pas encore été consommé, hein, alors à ce moment-là, le mariage est annulé. Et il dit, wa alayhi nisful mahr. Il doit lui donner la moitié du mahr. Hein, à cause du fait que la séparation est venue avant. Est venue de sa part. Min qibalihi. Il dit, wa in aslama ahadu zawjaini ghayra al-kitabiyyin ou aslamat kafiratun tahta kafirin ba'da ad-dukhul waqafa al-amr ala inqida' al-iddah. Donc il dit, si par exemple un des deux époux qui est pas parmi les gens du livre, hein, un mushrik, un idolâtre, un des deux qui sont mariés se convertit à l'islam, ou bien que une femme mécréante qui est mariée avec un mécréant après avoir consommé le mariage devient musulmane, eh bien, dans ce cas-là, l'affaire doit être délimitée jusqu'à la fin de la idda, de la période d'attente après la séparation. Tandis que si pendant cette période de idda, l'autre se convertit avec elle ou accepte l'islam, eh bien, le mariage sera considéré comme étant valide et ils vont continuer à être mari et femme, hein, par la suite. Toutefois, si l'autre refuse de se convertir à l'islam pendant cette période d'attente après la séparation, après qu'elle se soit convertie à l'islam, eh bien, s'il se convertit pas à l'islam, on va considérer dans ce cas-là que le mariage a été annulé depuis le début de sa conversion. D'accord? Donc une fois qu'elle s'est convertie, elle rentre dans la période d'attente, et pendant cette période-là, on va attendre que l'autre se convertisse à l'islam. Si pendant cette période il ne se convertit pas, eh bien, dans ce cas-là, on va considérer que yani, le mariage va être annulé depuis le début de son islam. Non. Bon, s'il se convertit après la idda, alors ils vont probablement, dans ce cas-là, refaire un nouveau mariage s'ils désirent se marier. Et le dernier point que le cheikh a mentionné à ce sujet, man aslama wa tahtahu aktharu min arba' wa aslamna aw kunna kitabiyat, hein, ikhtara minhum arba'an. لأن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا وقاله أيضا لغيره والله أعلم. Si un musulman, si quelqu'un se convertit à l'islam et qu'il avait plus que quatre épouses, hein, et que yani, elles se convertissent à l'islam elles aussi, ou bien elles sont des femmes, parmi les femmes des gens du livre, des juifs ou des chrétiennes, il en choisit quatre. Et les autres, il les laisse, hein, il se sépare d'elles. Il dit, parce que ça c'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un compagnon, Qais ibn al-Harith, il avait 8 femmes avant l'islam. Puis, quand il est devenu musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, choisis parmi elles 4. Hein, et les autres, tu les laisses, parce que tu peux pas rester avec plus que 4 femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à d'autres que lui également. Donc, ça c'est en ce qui concerne les règles par rapport à le mariage avec les personnes qui sont pas musulmanes. Donc, pour clarifier un peu des points par rapport à cette question-là, surtout ici, parce que nous, on vit dans un pays non musulman, hein, et ça arrive souvent, des situations comme ça. Et on voit malheureusement des femmes musulmanes qui rentre dans des relations avec des koufars, hein, et qui yani, parfois se marie avec des koufars même. Et en islam, ça c'est considéré comme une forme d'adultère. C'est-à-dire que la femme qui est musulmane et qui marie un juif ou un chrétien ou un athée ou un bouddhiste ou un hindou ou quelqu'un qui est dans une autre religion de shirk, eh bien, son mariage est pas valide en islam. Puis elle est considérée comme si elle est en train de commettre le zina dans ce cas-là. Et donc ça c'est important de le comprendre, c'est interdit. Par contre, pour un homme qui est musulman, il a le droit d'épouser une juive ou une chrétienne ou une musulmane, mais à condition qu'elle soit muhsana. À condition qu'elle soit muhsana. Et muhsana, ça veut dire qu'elle prend pas des amants, elle prend pas des copains, elle fréquente pas des hommes, elle est chaste, hein. C'est pas une fille, yani, qui est perverse ou qui se permet de fréquenter d'autres hommes ou d'avoir des amis hommes ou des choses comme ça. Donc si elle est chaste, c'est permis de la marier. Même si c'est une femme musulmane, si elle est pas chaste, on n'a pas le droit de la marier. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans Surat al-Ma'idah, le verset 5, il dit wal muhsanatu min al-mu'minat. Ça veut dire les femmes chastes parmi les musulmanes, les croyantes. Wal muhsanatu min alladhina utul kitab min qablikum. Et les femmes chastes parmi ceux à qui on a donné le livre avant vous. Hein? Idha ataytumuhunna ujurahunna muhsinin ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdhan. Musafihat, qu'est-ce que ça veut dire musafihat? C'est-à-dire des femmes débauchées, des femmes qui se laissent toucher par n'importe quel homme ou approcher par n'importe quel homme. C'est ça le musafihat. Et muttakhidhat akhdhan, ça veut dire quoi muttakhidhat akhdhan? Ça veut dire une femme qui prend des amants. Une femme qui prend des amants, c'est-à-dire elle fait pas le zina avec tous les hommes, mais elle en choisit un avec qui elle fait le zina de façon régulière. Hein? C'est ça, muttakhidhat akhdhan. Donc, c'est ça les conditions dans le verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wal muhsanatu min al-mu'minat, wal muhsanatu min al-ladhina utul kitaba min qablikum, idha ataytumuhunna ujurahunna, غير مسافحين ولا متخذي أخذان. D'accord. Donc ce qui signifie, yani, vous sont permises les femmes vertueuses, hein, qui sont chastes, parmi les croyantes, c'est-à-dire les musulmanes, et vous sont permis également les femmes chastes d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous, si vous leur donnez leur mahar, إذا أتيتمهن أجورهن. Al-Ujur ici c'est le mahr. Muhsinin, hein, comme on l'a dit, hein, avec contrat de mariage. Donc muhsinin, muhsan, ça veut dire yani, que tu leur donnes leur muhsinin, ça veut dire tu leur as donné leur tu t'es marié avec elle avec un contrat de mariage valide. Voilà, muhsinin, ghayra musafihin, non en débauché, ni en preneur d'amante. Donc, ça veut dire, pas en preneur d'amante. C'est-à-dire, c'est pas comme si tu les prends comme copine. Hein? Une femme comme ça, tu prends sur le côté, et tu la fréquentes de façon régulière, comme si c'est ton amante. Non, ça c'est pas permis. Et ça c'est important parce que, il y en a parfois des musulmans, qui se disent, ah, c'est pas grave, yani, si c'est pas une musulmane, yani, je lui donne pas ses droits, hein. Je vais juste aller la voir de temps en temps. Je vais la fréquenter comme ça. Comme si c'était, hein, sa copine, ou comme on dit ici au Québec, une blonde, hein, sur le côté. Non, mais, Quand, si tu vas marier une femme juive ou chrétienne, si elle pratique sa religion, elle doit accepter, par exemple, qu'elle ne va pas, par exemple, enseigner ou pratiquer sa religion à l'intérieur de ta maison, ou bien enseigner ça à tes enfants. Et si elle va à l'église, ça c'est son affaire, si elle va à l'église ou à la synagogue, je ne sais pas quoi. Mais, par contre, elle doit être d'accord qu'elle doit respecter à l'intérieur de la maison les règles de l'islam. C'est sûr qu'elle ne va pas faire rentrer dans la maison des choses haram, du porc, de l'alcool, ou des choses comme ça. Même si elle considère que ça c'est permis. La juive, elle ne va pas peut-être, elle va pas faire rentrer de porc parce que les juifs ne mangent pas de porc. Mais par contre, ils boivent de l'alcool. Hein? Donc elle ne va pas rentrer de l'alcool dans la maison. Hein? Et donc par rapport à ça, ça c'est clair. Et aussi en même temps, il faut comprendre une chose qui est importante que les ulama ont mentionné aussi, c'est que de marier une femme parmi les femmes des gens du livre dans une société qui est pas musulmane, où la loi est en faveur de la mécréance, c'est un grand risque, parce que après, par la suite, si jamais il y a un divorce ou un problème et que vous avez eu des enfants, ça pourrait amener justement la femme, cette femme-là, à garder les enfants après le divorce, puis elle risque par rapport à ça justement par la suite de les amener vers la mécréance, hein? Et ça c'est donc un grand danger pour les enfants. C'est pour ça que les ulama parfois ils mentionnent comme condition pour que le musulman puisse épouser une femme chrétienne ou juive, que ce soit dans un endroit où les règles sont musulmanes et que les musulmans ont les lois de l'islam règnent dans cette société là comme ça, si jamais il y a un divorce ou il y a quelque chose comme ça, eh bien ce sera cet enfant là sera élevé dans les règles de l'islam, d'accord? Donc ça c'est très important. Et donc c'est ça, si quelqu'un il a le choix entre le fait d'épouser une femme musulmane ou une femme chrétienne ou juive, c'est certain que c'est préférable et c'est mieux, et il devrait se marier avec une musulmane plutôt que de se marier avec une juive ou une chrétienne, et pas juste suivre ses désirs ou ses sentiments puis de dire oh ben je l'aime cette femme, je suis amoureux d'elle, je veux marier elle absolument, il n'y a pas d'autre femme comme elle sur la terre, hein? Parce que ça c'est des choses parfois qui sont basées uniquement sur les hormones, hein. Et des fois c'est une montée d'hormones ou bien de dopamine dans le cerveau qui font que la personne elle voit plus clair, elle devient aveuglée par l'amour, hein. On dit que l'amour rend aveugle. Donc c'est ça, l'amour est aveugle. Donc c'est ça, il faut faire attention à ça parce que c'est dangereux et puis c'est des problèmes par la suite. Il faut qu'elle soit vierge ou bien qu'elle soit pas une femme qui considère l'adultère comme étant licite ou qui considère que c'est permis de fréquenter des hommes ou des choses comme ça. Parce que des hommes qu'elle fréquente en dehors du mariage. Donc c'est ça, les ulama ils disent par exemple, bon, si vous savez que dans l'islam un homme n'a pas le droit d'avoir des rapports avec sa femme, des rapports sexuels avec sa femme pendant la période de menstrues. Pourtant les koufars, les juifs ou les juifs je sais pas, mais les chrétiens je sais que eux ils pensent que ça c'est licite. Alors les femmes chrétiennes ne se purifient pas. Elles se purifient pas après leur menstrue, et donc les ulama ils ont dit, il y a cette question qu'on retrouve dans les livres parfois de fiqh, si par exemple la femme elle termine sa période de menstrue et qu'elle est chrétienne, est-ce que le mari musulman doit lui ordonner de se purifier ou non? Et étant donné qu'elle n'est pas musulmane, donc c'est sûr qu'elle ne va pas se purifier dans le sens religieux, parce que de toute façon, ça ne serait même pas valide. Mais quand même, c'est sûr qu'elle va elle doit se laver pour se purifier sur le sens de la propreté. Oui, ça c'est clair. Parce que dans notre religion, le sens de la purification et la propreté, c'est relié ensemble. Mais pour les kuffar, c'est pas un sens religieux qu'ils voient. Ils voient pas un sens religieux à la purification. Pour eux, c'est seulement une question d'hygiène ou des choses comme ça, tu vois. Donc, dans l'islam, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, disons, il nous a enseigné tout. Qu'est-ce qui est bon pour nous sur le plan de l'hygiène et de la propreté, couper les ongles, raser les poils, le nettoyage des dents, de la bouche, sentir bon, avoir le parfum, tout ça fait partie de la sunna, hein? Tandis que chez les koufars, disons qu'il y en a qui ne respectent pas nécessairement ces choses-là. Ok, donc ensuite il y a le chapitre suivant, c'est à propos de As-Sadaq. Mais ça, on va en parler la semaine prochaine, inshallah, parce que c'est quand même un chapitre qui est assez long. Et à Sadaq, quand on parle de Sadaq, on parle du cadeau de mariage ou le mahar, hein, en d'autres mots, le mahar. Donc, on va parler de ça au prochain cours, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته